Chapitre 27e, où l'on retrouve le docteur Louis. Peut-être, nos lecteurs, en se rappelant dans quelle position difficile nous avons laissé M. de Charny, nous saurons-ils quelque gré de les ramener dans cette antichambre des petits appartements de Versailles, dans laquelle le brave marin, que ni les hommes ni les éléments n'avaient jamais intimidé, avait fui de peur de se trouver mal devant trois femmes, la reine, Andrée, Madame de Lamotte. Arrivé au milieu de l'antichambre, M. de Charny avait en effet compris qu'il lui était impossible d'aller plus loin. Il avait, tout chancelant, étendu les bras. On s'était aperçu que les forces lui manquaient, et l'on était venu à son secours. C'était alors que le jeune officier s'était évanoui, et au bout de quelques instants était revenu à lui, sans se douter que la reine l'avait vu et peut-être fut accouru à lui dans un premier mouvement d'inquiétude, si Andrée ne l'eût arrêté, bien plus encore par une jalousie ardente, que par un froid sentiment des convenances. Au reste, bien avait pris à la reine de rentrer dans sa chambre à l'avis donné par Andrée. Quel que fût le sentiment qui eût dicté cet avis, car à peine la porte s'était-elle refermée sur elle, qu'à travers son épaisseur elle entendit le cri de l'huissier « Le roi !» C'était en effet le roi qui allait de ses appartements à la terrasse et qui voulait, avant le conseil, visiter ses équipages de chasse qu'il trouvait un peu négligés depuis quelque temps. En entrant dans l'antichambre, le roi, qui était suivi de quelques officiers de sa maison, s'arrêta. Il voyait un homme renversé sur l'appui d'une fenêtre et dans une position à alarmer les deux gardes du corps qui lui portaient secours et qui n'avaient pas l'habitude de voir s'évanouir pour rien des officiers. Alors, tout en soutenant M. de Charny, criait-il « Monsieur, monsieur, qu'avez-vous donc ?» Mais la voix manquait au malade et il était impossible de répondre. Le roi, comprenant à ce silence la gravité du mal, accéléra sa marche. « Mais oui, dit-il, oui, c'est quelqu'un qui perd connaissance. » À la voix du roi, les deux gardes se retournèrent et par un mouvement machinal lâchèrent M. de Charny qui, soutenu par un reste de force, tomba ou plutôt se laissa aller sur les dalles avec un gémissement. « Oh, messieurs, dit le roi, que faites-vous donc ?» On se précipita. On releva doucement M. de Charny qui avait complètement perdu connaissance et on l'étendit sur un fauteuil. « Oh, mais !» s'écria le roi tout à coup en reconnaissant le jeune officier. « C'est M. de Charny !»« M. de Charny ?» s'écrièrent les assistants. « Oui, le neveu de M. de Suffrène. » Ces mots firent un effet magique. Charny fut en un moment inondé d'eau de senteur, ni plus ni moins que s'il se fût trouvé au milieu de 10 femmes. Un médecin avait été mandé. Il examina vivement le malade. Le roi, curieux de toute science et compatissant à tous les maux, ne voulut pas s'éloigner. Il assistait à la consultation. Le premier soin du médecin fut d'écarter la veste et la chemise du jeune homme afin que l'air touchât sa poitrine. Mais en accomplissant cet acte, il trouva ce qu'il ne cherchait point. « Une blessure ? » dit le roi, redoublant d'intérêt et s'approchant de manière à voir de ses propres yeux. « Oui, oui, » murmura M. de Charny en essayant de se soulever et en promenant autour de lui des yeux affaiblis. « Une blessure ancienne, qui s'est rouverte, ce n'est rien, rien. » Et sa main serrait imperceptiblement les doigts du médecin. Un médecin comprend et doit comprendre tout. Celui-là n'était pas un médecin de cour, mais un chirurgien des communs de Versailles. Il voulut se donner de l'importance. « Oh, ancienne, cela vous plaît à dire, monsieur. Les lèvres sont trop fraîches, le sang est trop vermeil. Cette blessure n'a pas 24 heures. » Charny, à qui cette contradiction rendit ses forces, se remit sur ses pieds et dit « Je ne suppose pas que vous m'appreniez à quel moment j'ai reçu ma blessure, monsieur. Je vous dis et je vous répète qu'elle est ancienne. » Alors en ce moment il aperçut et reconnut le roi. Il boutonna sa veste, comme honteux d'avoir eu un aussi illustre spectateur de sa faiblesse. « Le roi, dit-il. Oui, monsieur de Charny, oui, moi-même, qui bénis le ciel d'être venu ici pour vous apporter un peu de soulagement. » « Une égratignure, sire, » balbutia Charny. « Une ancienne blessure, sire, voilà tout. » « Ancienne ou nouvelle ?» dit Louis XVI. « La blessure m'a fait voir votre sang, sang précieux d'un brave gentilhomme. » « À qui 2 heures dans son lit rendront la santé ?» ajouta Charny. Et il voulut se lever encore, mais il avait compté sans ses forces. Le cerveau embarrassé, les jambes vacillantes, il ne se souleva que pour retomber aussitôt dans le fauteuil. « Allons, dit le roi, il est bien malade. » « Oh oui, fit le médecin d'un air fin et diplomate, qui sentait sa pétition d'avancement. « Mais cependant, on peut le sauver. » Le roi était honnête homme. Il avait deviné que Charny cachait quelque chose. Ce secret lui était sacré. Tout autre l'eût été cueillir aux lèvres du médecin qui l'offrait si obligeamment. Mais Louis XVI préfère laisser le secret à son propriétaire. « Je ne veux pas, dit-il, que M. de Charny court aucun risque en retournant chez lui. On soignera M. de Charny à Versailles. On appellera vite son oncle, M. de Suffren, et quand on aura remercié M. de ses soins, et il désignait l'officieux médecin, on ira chercher le chirurgien de ma maison, le docteur Louis. Il est, je crois, de quartier. » Un officier courut exécuter les ordres du roi. Deux autres s'emparèrent de Charny et le transportèrent au bout de la galerie, dans la chambre de l'officier des gardes. Cette scène se passa plus vite que celle de la reine et de M. de Crone. M. de Suffren fut mandé, le docteur Louis appelé en remplacement du surnuméraire. Nous connaissons cet honnête homme, sage et modeste, intelligence moins brillante qu'utile, courageux laboureur de ce champ immense de la science, où celui-là est plus honoré qui récolte le grain, où celui-là n'est pas moins honorable qui ouvre le sillon. Derrière le chirurgien, penché déjà sur son client, s'empressait le bailli de Suffren, à qui une estafette venait d'apporter la nouvelle. L'illustre marin ne comprenait rien à cette syncope, à ce malaise subi. Lorsqu'il eut pris la main de Charny et regardé ses yeux ternes, « Étrange, dit-il, étrange. Savez-vous, docteur, que jamais mon neveu n'a été malade ?»« Cela ne prouve rien, monsieur le bailli, dit le docteur. » L'air de Versailles est donc bien lourd, car je vous le répète, j'ai vu Olivier en mer pendant 10 ans, et toujours vigoureux, droit comme un mât. C'est sa blessure, dit un des officiers présents. Comment sa blessure ? S'écria l'amiral. Olivier n'a jamais été blessé de sa vie. Oh, pardon, répliqua l'officier en montrant la batiste rougie. Mais je croyais. Monsieur de Suffren vit du sang. C'est bon, fit avec une brusquerie familière le docteur, qui venait de sentir le pouls de son malade. N'allons-nous pas discuter l'origine du mal ? Nous avons le mal, contentons-nous-en et guérissons-nous si c'est possible. » Le bailli aimait les propos sans réplique. Il n'avait pas accoutumé les chirurgiens de ses équipages à ouater leurs paroles. « Est-ce bien dangereux, docteur ? » demanda-t-il avec plus d'émotion qu'il n'en voulait montrer. « À peu près comme une coupure de rasoir au menton. Bien, remerciez le roi, messieurs. Olivier, je te reviendrai boire. » Olivier remua les yeux et les doigts, comme pour remercier à la fois son oncle qui le quittait et le docteur qui le faisait lâcher prise. Puis, heureux d'être dans un lit, heureux de se voir abandonné à un homme plein d'intelligence et de douceur, il feignit de s'endormir. Le docteur envoya tout le monde. Le fait est qu'Olivier s'endormit, non sans avoir remercié le ciel de tout ce qui lui était arrivé, ou plutôt de ce qui ne lui était pas advenu de mal en des circonstances si graves. La fièvre s'était emparée de lui. Cette fièvre régénératrice, merveilleuse de l'humanité, sève éternelle qui fleurit dans le sang de l'homme et servant les desseins de Dieu, c'est-à-dire de l'humanité, fait germer la santé dans le malade ou emporte le vivant au milieu de la santé. Quand Olivier eut bien ruminé, avec cette ardeur des fiévreux, sa scène avec Philippe, sa scène avec la reine, sa scène avec le roi, il tomba dans un cercle terrible que le sang furieux vient jeter comme un filet sur l'intelligence. Il délira. 3 heures après, on eut pu l'entendre de la galerie où se promenaient quelques gardes. Ce que remarquant le docteur, il appela son laquais et lui commanda de prendre Olivier dans ses bras. Olivier poussa quelques cris plaintifs. « Roule-lui la couverture sur la tête. »« Et qu'en ferai-je ? » dit le valet. « Il est trop lourd et se défend trop. Je vais demander assistance à l'un des messieurs les gardes. »« Vous êtes une poule mouillée, si vous avez peur d'un malade, » dit le vieux docteur. « Monsieur, et si vous le trouvez trop lourd, c'est que vous n'êtes pas fort comme je l'avais cru. » « Je vous renverrai donc en Auvergne. » La menace fit son effet. Charny, criant, hurlant, délirant et gesticulant, fut enlevé comme une plume par l'Auvergnat à la vue des gardes du corps. Ceux-ci questionnaient Louis et l'entouraient. « Messieurs, dit le docteur en criant plus fort que Charny pour couvrir ses cris, vous entendez bien que je n'irai pas faire une lieue toutes les heures pour visiter ce malade que le roi m'a confié. Votre galerie est au bout du monde. Où le conduisez-vous alors, docteur ? Chez moi. » Comme un paresseux que je suis. J'ai ici, vous le savez, 2 chambres. Je le coucherai dans l'une d'elles, et après-demain, si personne ne se mêle de lui, je vous en rendrai compte. « Mais docteur, dit l'officier, je vous assure qu'ici le malade est très bien. Nous aimons tous M. de Suffren, et... Oui, oui, je connais ces soins-là de camarade à camarade. Le blessé a soif, on est bon pour lui, on lui donne à boire, et il meurt. Au diable les bons soins de messieurs les gardes, on m'a tué ainsi 10 malades. » Le docteur parlait encore que déjà Olivier ne pouvait plus être entendu. « Oui, Ida, » poursuivit le digne médecin, « c'est fort bien fait, c'est puissamment raisonné. Il n'y a qu'un malheur à cela, c'est que le roi voudra voir le malade, et s'il le voit, il l'entendra. Diable, il n'y a pas à hésiter. Je vais prévenir la reine. Elle me donnera un conseil. » Le bon docteur ayant pris cette résolution avec cette promptitude d'homme à qui la nature compte les secondes, inonda d'eau fraîche le visage du blessé, le plaça dans un lit de façon qu'il ne se tuât pas en remuant ou en tombant. Il mit un cadenas au volet, ferma la porte de la chambre à double tour et la clé dans sa poche, se rendit chez la reine, après s'être assuré, en écoutant au dehors, que pas un des cris d'Olivier ne pouvait être perçu ou compris. Il va sans dire que pour plus de précaution, le Vergniaud était enfermé avec le malade. Il trouva juste à cette porte Madame de Misery que la reine expédiait pour prendre des nouvelles du blessé. Elle insistait pour entrer. « Venez, venez, madame, » dit-il, « je sors. »« Mais docteur, la reine attend. »« Je vais chez la reine, madame. » »« La reine désire. La reine en saura tout autant qu'elle en désire savoir. C'est moi qui vous le dis, madame. Allons. » Et il fit si bien qu'il força la dame de Marie-Antoinette à courir pour arriver en même temps que lui.